on écrira les noms de ces copains que nous n'avons jamais connus. On écrira les noms un beau matin sur une plaque au coin d'une rue. On écrira des noms trop, beaucoup trop, pour que ça paraisse encore vrai. Plus vrai que ces prisons où tant de mots furent les derniers qui se disaient. Le silence tient le matin tandis que monte la voix d'un chien ou celle du vent couvrant tout ça. On a fleuri le souvenir et l'on voudrait y revenir. Le temps fout le camp et c'est bien comme ça. On écrira les noms de ces copains qui ne sont jamais revenus. On écrira les noms dans un petit coin de ces cimetières à fleurs perdues. On écrira des noms et le brouillard les couvrira de sa pâleur. Ici, pas de chanson, chacun sa part et chacun son dernier quart d'heure. Le soleil à peine levé, des enfants jouent sur le pavé. Avec le vent, avec tout ça, leur père, c'est un silence trop long dont ils ne gardent que le nom. Le temps fout le camp et c'est mieux comme ça.